L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de votre radio locale pour cette émission mensuelle, L'apostrophe, l'émission. Avec aujourd'hui en studio parmi nos invités Jean-Joël Le Chaplin, directeur de L'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, avec qui nous coproduisons cette émission. Bonjour Jean-Joël. Bonjour. Arthur Igual, comédien sur Angelus, Novus, Antifaust, une pièce de théâtre qui est à l'affiche les jeux de ce jeudi et vendredi de cette semaine, 15 et 16 décembre, à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Nous aurons également parmi nos invités Nicolas Lyotard, metteur en scène du spectacle Balthazar, un spectacle à la croisée du cinéma et du théâtre pour le jeune public. François Vérès, eh bien, on parlera de son travail au cours de cette émission. Et enfin, Thierry Ballas, créateur du spectacle musical « Concert pour le temps présent » de Pierre Henry. Avant de commencer l'émission dans son déroulé, je précise qu'aujourd'hui nous avons la présence et la participation de Léa Sabourin, qui est en Master 2 en journalisme, qui va participer également à cette émission. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Arthur Igual pour le spectacle Angelus Novus Antifaust, une création 2016-2017, spectacle qui a été mis en scène par Sylvain Crosvaux, avec un spectacle pour deux représentations ici à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise pour le lieu précis, spectacle présenté dans le cadre du Festival d'automne à Paris, donc 2016. D'abord peut-être avant de parler du spectacle, dire quelques mots en ce qui vous concerne, en ce qui concerne notre invitée. Léa, elle a peut-être travaillé sur le sujet. Oui, alors vous avez été formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et vous jouez également au cinéma, par exemple aux côtés de Léa Seydoux dans Petit tailleur de Louis Garrel. Vous avez déjà joué aussi dans des mises en scène de Sylvain Crosvaux comme Bâle ou Notre Terreur ici à Pontoise. Et là, dans cette pièce Angelus Novus, l'Antifaust, vous jouez un docteur en neurologie. Alors quels sont les tourments de ce personnage ? Angelus Novus est inspiré de ce qu'on appelle le mythe de Faust. On l'a transposé, c'est-à-dire que Faust, lui, je pars sur Faust, hein. Faust est quelqu'un qui a le savoir absolu, c'est-à-dire il sait un peu de choses sur tout. Il a envie de tout savoir et il veut en arriver à la fin, au début de la pièce de Goethe, il n'en peut plus. Et il voit bien que ce savoir ne l'aide pas à vivre et donc... En gros, il veut mettre fin à sa vie, il essaie une dernière chose, la tentation, le diable. Et nous, on est parti de ça, bon, pour faire vite, et on s'est dit que le savoir absolu aujourd'hui, c'était plus vraiment le cas dans la société capitaliste où la division du travail est si forte, mais on s'est dit que le savoir absolu était un tout petit savoir sur une toute petite chose, une toute petite particule. Donc moi, je me suis intéressé à la neurologie, c'est un savoir très particulier. Et ce savoir-là va être, dès le début de la pièce, mis en doute vis-à-vis d'une découverte qu'il va faire, et il va mettre cette découverte en doute, donc son savoir, donc son application, et en gros remettre en doute tout ce qu'il est. Quoi. À partir de ce doute précis sur son savoir, si vous me posez la question du tourment en tout cas. Mmh. Alors, oui, opus politique et drôle, ai-je lu dans la presse, parce que c'est vrai qu'au départ on se dit l'anti-Faust, Faust, au départ c'est pas tout à fait drôle comique. Tout ça, hein, le moins qu'on puisse dire. Donc comment rebondir pour en faire effectivement un spectacle, comme il est indiqué, politique et drôle. C'est drôle en fait, c'est, comment dire, on rit, c'est ça pourrait être le principe que faisaient les larmements de la catharsis dans le théâtre antique, c'est-à-dire rire, c'est une possibilité de se reconnaître, c'est la reconnaissance crée le rire. Drôle ne veut pas forcément dire comique, forcément en tout cas, mais le rire agit déjà dans une interaction directe avec le public, puisqu'on est dans un théâtre, on va dire, moderne de notre époque, qui n'utilise pas forcément de quatrième mur, et dont la présence du public est toujours en jeu avec les acteurs. C'est une présence qui est là, qui parfois peut s'effacer plus ou moins, mais le rire est là pour faire interagir dans les principes de reconnaissance que nous mettons entre ce qu'on interprète, là où on sait que ça peut être reconnu, et agir directement sur nos émotions de notre temps, quoi, de notre époque. Angelus Novus, Antifaust, c'est également le titre d'une aquarelle peinte en 1920 par Paul Klee. Est-ce que ça a été source d'inspiration pour le metteur en scène ? Évidemment, en fait, la vraie source d'inspiration, c'est un texte de Walter Benjamin sur le concept d'histoire, et dans la 9e thèse, il parle sur le concept d'histoire de cette aquarelle de Paul Klee. Il dit que ça devrait être l'ange de l'histoire. Il est poussé dans une tempête. Ce texte est d'ailleurs présent à un moment dans le spectacle. Et Angelus Novus, si vous voulez, pour nous, c'est pour ça qu'on appelle ça Antiphos, c'est notre vision du démon, c'est-à-dire notre démon moderne serait non pas démon, démoniaque, le diable tel qu'il a été, mais un ange nouveau, inspiré, très lointainement, mais par l'ange donc, de Paul Klee et comment en parle Walter Benjamin comme ange de l'histoire, et c'est donc une personnalité prise dans une tempête, dans la tempête du progrès, et qui essaie de s'en sortir. Donc c'est un retournement, c'est pour ça qu'on appelle ça Antiphos, un retournement non pas du Faust, mais de son rapport à son démon, qui serait cet ange nouveau. Oui, parce qu'on aurait plutôt tendance à chasser nos démons aujourd'hui dans la société actuelle. Alors non, nous on dit qu'on en manque. On en manque en tant que le démon serait un être intérieur, une capacité de... Alors là, on peut mettre des tonnes de qualificatifs, on va dire, de révolte, de craquage, de craquer ce qui est établi, de mouvement. C'est une possibilité pour nous, le démon, ce démon-là, serait une possibilité de mouvement. Dans ces êtres figés que sont les antiphoses, parce qu'on a parlé de mon personnage, Kassim Nissim Ildirim, qui est neurologue, mais il y en a deux autres principaux dans la pièce, c'est la même chose, c'est-à-dire ils sont établis, ils ont ce qu'on appelle un cursus, c'est-à-dire leur vie a été réglée de par leur savoir, leur connaissance et leur réussite dans ce domaine, et à un moment, le diable, quand le doute arrive, le démon, le diable, tous ces mots-là qualificatifs qu'on a aussi à poser, va venir profiter du doute pour créer un mouvement et ce qu'on appelle une bifurcation, c'est-à-dire dans la route qui avait été établie jusqu'à présent de par la prédestinée. Quoi. Conflit entre le bien et le mal également ? Oh non, ça d'ailleurs c'est dit dès le spectacle, on l'abandonne ce conflit-là. Après il existe toujours, c'est un conflit, mais en tout cas ce n'est pas sur ça. Le spectacle commence par un petit texte du démon de mon personnage Kassim Nissim Ildirim qui s'appelle Baal, avec deux A, et il le dit, voilà, qu'on n'est plus fondé sur le bien et le mal, sur le pour et le contre, et que les choses ne sont plus, comme il le dit avec humour, schizorosives. Léa ? Et comment votre démon, avec votre personnage, influence-t-il justement votre vie ? En fait, on s'est posé la question de toutes les présences qu'il peut avoir. Ça peut être une présence métaphysique, comme je dis, le doute, mm-hmm. ou ça peut être la révolte, mais il peut prendre la forme du meilleur ami. Il prend plein de formes. Le démon, déjà, par définition, est quelqu'un qui a plein de formes, qui n'est pas figé dans une image. Et donc, il peut prendre plein de formes, il peut être le meilleur ami. On peut voir que quand le personnage est confronté à certaines situations, le démon prend l'apparence qu'il faudrait prendre à ce moment-là, ou pour l'enfoncer encore plus, pour qu'il fasse cette expérience jusqu'au bout, ou pour l'en sortir. Donc, en fait, il a ses apparences multiples, soit métaphysiques, soit parfois très réel, c'est dit vraiment, il peut s'appeler meilleur ami, comme il peut devenir une figure paternaliste, il peut prendre plusieurs formes, selon ce que demande la situation, l'expérience de la situation. Trois personnages sur scène, trois vies, trois Faust, deux hommes, une femme, aux prises avec leur entourage et leur choix, voire aussi également leur démon, là encore. Un docteur en neurologie, on en a parlé, c'est le rôle qui est le vôtre. Un biologiste, une biologiste généticienne et un compositeur, chef d'orchestre. Pourquoi avoir placé ces personnages ? Et je crois qu'ils sont eux-mêmes avec de multiples visages. Alors en fait, c'est dépassé parce que Marguerite donc, est le personnage qui accompagne toujours le mythe de Faust, on s'est posé la question, on s'est dit justement aujourd'hui, le mythe de Faust est un mythe féodal, donc bien évidemment, la femme, comme on a dit, a le second rôle, le rôle de l'amoureuse et tout ça. On s'est dit que dans la société qui est la nôtre, qui prône aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, Marguerite ne serait plus l'accompagnatrice. D'ailleurs, le début de la pièce commence sur ça, avec humour. Dans le rôle de Marguerite, sa plainte à elle serait celle-là, j'en ai assez de jouer le second rôle, j'en ai assez d'être sur le côté, et donc elle-même est biologiste, elle a même reçu le prix Nobel, et donc elle est un Faust à part égale avec Kassim Nissim Ildirim, le troisième personnage qui lui est chef d'orchestre, lui n'a pas de démon. Alors c'est la différence, il est le contrepoint, il est le faust, il n'est pas l'antifaust, il est celui qui n'a pas les démons auxquels ont accès Marguerite et Kassim, c'est-à-dire qu'en gros il n'a pas de doute quoi. Et lui il est dans une ascension fulgurante et il va créer une fantasmagorie, un rêve sur la possibilité d'être président de la République. Un Faust contre son propre mythe, d'où l'anti-Faust, c'est ça aussi ? Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont conscience qu'à ce moment-là, ils pourraient être des Faust. Et donc, ils vont le retourner avec leur démon, puisque leur démon n'est plus, comme on dit, le bien et le mal, l'opposition du bien et du mal, le diable. Mais ces démons-là qui nous amusent, qui viennent du... Ce qui me vient aussi à l'esprit, qui viennent du Ludens, ludique, ce sont ceux qui ont la capacité de faire jouer, en fait. Et en nous, que ça commence comme ça, où le démon va dire, lui qui est devenu une momie, on va essayer de un peu l'enlever de sa pétrification. Et on va essayer de le faire jouer, c'est-à-dire le jeu, autant de choses qui bougent l'une avec l'autre et créer du jeu, ce qui serait le théâtre en fait. Un spectacle, une pièce qui interroge, qui s'interroge, qui pose peut-être la question, ce que devient le mythe de Faust dans une société qui fait du savoir une marchandise, et ça nous parle très directement aujourd'hui. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce savoir-là, maintenant, est pris dans une machine. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il faut dire qu'on avait notre spectacle d'avant travaillé sur le Capital de Karl Marx. Donc, il parle de la marchandise, qui part même de la marchandise. Et on avait, dans les répétitions, commencé à traiter la marchandise savoir, qui est une marchandise quand même particulière, mais qui répond au même principe de la marchandise selon Marx. Et donc, on l'a fait dans ce spectacle-là. Mais il en reste moins que prévu. Peut-être une précision sur comment vous travaillez. Je crois que c'est une création collective. On peut parler ainsi. Alors oui, on dit comme ça. Disons que tout théâtre est collectif. Le nôtre a ce particulier qu'on n'a pas de texte au départ et qu'on l'écrit ensemble avec des improvisations. On pique aussi beaucoup parce que, encore une fois, en revenant à Benjamin qui disait que tout doit être citable, il a toujours prélude dans ses textes, donc ça nous a dû culpabiliser. On fait pareil. Des bouts à droite, à gauche, il ramasse. Il y a un personnage de la chiffonnière qui est comme ça, qui est quelqu'un qui vient ramasser les choses qui traînent, qui n'ont pas forcément été prises, et on peut les mettre. Donc on écrit, en même temps on ramasse, on agglomère, on palimpseste plein de choses existantes, déjà existantes. Quelques mots de présentation du metteur en scène, Sylvain Creusevaux. Sylvain Creusevaux, bah oui, moi j'ai commencé avec lui il y a très longtemps. Sylvain Creusevaux a fait l'école notamment Jacques Lecoq, l'école internationale de théâtre, qui est axée sur une pédagogie, vraiment axée d'abord sur la première année sur le corps, qui est une pédagogie muette. La première année, la deuxième année, je crois qu'il faut autre chose. Bon, je ne peux pas en parler trop parce que je ne l'ai pas faite. Un des premiers grands spectacles qu'il a monté, c'était Baal de Brecht, mais avant, il avait monté Visage de Feu de Mayenburg. Et après Baal, il s'est arrêté avec les textes préexistants et a commencé la création avec sa première création sans texte qui avait été Fœtus, et la deuxième, Le Père Tranadère. On a bien compris quand je disais opus politique et drôle, ce rapport entre les mythes et notre société contemporaine, c'est ça aussi qui est au cœur de ce spectacle. Alors j'en reviens, ce spectacle drôle tout de même. Oui, oui, drôle, hein, je vous assure. Hein. On rigole beaucoup. En tout cas, les spectateurs rient. Je vous dis, c'est le rire de reconnaissance. Puis de toute façon, le rire est la manière de faire passer. Enfin, il ne faut pas d'esprit de sérieux dans ces choses-là. Une dernière question, Léa. Oui, le spectacle dure 3h45. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde ? Oui, c'est une performance. Hein. Oui, le théâtre, vraiment, ça dure 3h10 peut-être, parce qu'il y a l'entracte et tout ça. Mais oui, c'est ce qu'on appelle des voyages, des grands voyages dans lesquels on peut se laisser aller, dans lesquels on n'est pas accroché à son fauteuil pour essayer de ne pas en perdre une miette. Et vous verrez, c'est un théâtre qui est fait de plusieurs théâtres lui-même, plusieurs formes théâtrales. Donc on se laisse complètement aller à différents regards. Il y a des choses qui se regardent bien allongées dans son fauteuil. Comme disait Brecht, il y a un certain théâtre qui s'appelle le théâtre épique pour bien le regarder, il faut être allongé comme sur un canapé. Et puis parfois, il y a des formes qui demandent effectivement un peu plus d'écoute et d'autres. On n'est pas là pour tout prendre, quoi. Mise en scène donc par Sylvain Creusevaux, deux représentations, jeudi 15 décembre à 19h30, donc horaire particulier du fait de la durée du spectacle, et également pour vendredi 16 décembre à 19h30, c'est à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. Donc on a précisé pour l'horaire exceptionnel, il y a un autre rendez-vous que vous allez avoir avec les habitants de Cergy-Pontoise, un stage week-end théâtre que vous allez co-animer, donc au mois de janvier, 6, 7 et 8 janvier. Quelques mots sur ce stage. On va essayer d'aborder ce que nous on appelle l'improvisation, c'est-à-dire qu'il y a une improvisation qui tente à écrire, qui n'est pas l'improvisation en disant on peut faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a une direction et nous quand on fait l'improvisation, ce qu'on tend c'est à créer de l'écriture. Donc qu'est-ce que c'est qu'écrire en jouant et comment l'écriture et le jeu peuvent s'influencer? Comment quand on cherche à écrire, ça crée du jeu et comment l'écriture elle-même que l'on a écrite va nous faire rejouer à l'envers? Voilà, tarif pour participer donc à ce week-end théâtre, 70 euros, plus un abonnement, un engagement donc d'abonnement pour 3 spectacles minimum, et chacun, chacune pourra participer à ce week-end théâtre.

Bonjour Nicolas Lyotard. Bonjour. Nous avons l'envie de parler avec vous d'un spectacle qui sera donc à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise les 8, 9 et 10 janvier prochains. C'est le spectacle Balthazar, une création que vous destinez tout particulièrement pour le jeune public, mais que l'on peut voir en famille. Oui, bien sûr. Alors avant tout, les spectacles que je les conçois pour moi-même. Et comme j'ai été moi aussi un enfant, je les conçois pour moi-même à l'âge de 7 ans ou à partir de 7 ans. Mais c'est effectivement, ce sont des spectacles qui s'adressent à tout le monde, bien sûr. Pas spécialement et uniquement ou exclusivement destinés aux plus jeunes. Ils sont destinés aux plus jeunes en ce sens que la durée du spectacle est de 1 heure. Et qu'il n'y a pas des codes ou des références que les enfants n'auraient pas. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment tout public. Pour la forme, on est plus près d'une fable onirique entre visuel et scène contée, c'est ça ? Voilà, alors il faut savoir que je fais habituellement des spectacles pour le jeune public qui sont muets. Donc effectivement très axé sur l'image, les ambiances, l'univers sonore. Et là, sur ce coup-ci, j'ai voulu introduire la parole dans mes spectacles, mais je l'introduis de façon parcimonieuse, on va dire. Donc il y a du texte, évidemment, et puis il s'agit d'un âne qui parle, donc qui parle avec un peu de difficulté, mais qui se met à parler, et d'un petit garçon qui, lui, ne parle plus. Donc l'enjeu de la parole est central, et on va évoluer, le spectacle évolue, et il y a quand même toute une bonne moitié du spectacle qui est sur une forme muette. Mmh. Voilà, donc il y a peu de texte, mais on est quand même sur un récit. Il y a une narration, il y a un récit de ces deux histoires parallèles. L'interview elle va être aussi menée par Léa Sabourin, qui est à mes côtés. Bonjour. Qui a une Bonjour. Question à vous poser pour la suite. Alors, dans votre pièce, l'âne s'appelle Balthazar. Pourquoi oui. vous lui avez donné le même nom qu'un des rois mages ? Alors, je lui ai donné le même nom que l'un des rois mages, parce que il se trouve que dans le film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, l'âne porte également le nom d'un des rois mages. Donc c'est plus en référence, si vous voulez, au film de Bresson que au roi mage, voilà. Bien que notre histoire n'ait pas grand-chose à voir avec l'histoire de Au hasard Balthazar de Bresson. Ce n'est pas du tout la même histoire. On partait simplement de la présence extraordinaire de l'âne au cinéma, et en se disant, nous, de notre côté, comment pourrait-on faire pour rendre au théâtre une présence d'un animal, en l'occurrence un âne. Mais voilà, Balthazar, c'est un petit clin d'œil au film, bien que ça n'ait qu'un très lointain rapport. Oui, d'autant qu'il ne m'a pas échappé ce que Balthazar porte un A avec l'accent circonflexe comme oui. l'âne. Oui, alors ça, c'était dans une première version. L'accent circonflexe a disparu, de notre dossier. Maintenant, c'est Balthazar. Mais au début, effectivement, on a joué aussi sur l'orthographe des prénoms, et comme un transfert de l'accent circonflexe d'un personnage à l'autre, c'était un peu compliqué. Donc on a laissé tomber cette piste-là de l'accent circonflexe qui passait de l'âne à un prénom. Alors cependant, pourquoi avoir choisi l'âne ? Il symbolise, dans l'inconscient collectif, de fait, oui, il symbolise toujours un peu la bêtise. Pour les plus anciens d'entre nous, c'est le mauvais élève, le bonnet d'âne. Oui, voilà. Alors, bien sûr, parce que dans ces deux histoires parallèles, on a un petit garçon qui a des difficultés à l'école, étant enfant, et qui se fait traiter d'âne, et qui reçoit le bonnet d'âne, et en réaction, justement, à ces retours négatifs qui lui sont faits, il va cesser de parler. Il va cesser de parler, et il ne parlera qu'aux ânes. Mais ce petit garçon va devenir un grand auteur. Il va travailler dans un cinéma d'abord, hein, donc il quitte la parole, il se destine à l'image, il va travailler dans un cinéma, et sur son temps libre, il écrit des nouvelles. Et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a un grand talent d'écriture, et le spectacle lui-même, on s'aperçoit en cours de route que le spectacle lui-même est une des nouvelles qui a été écrite par le personnage qui est dans la pièce. Mmh. Voilà. Ce que symbolise l'âne, d'abord, c'est absolument pas pour pour qui a approché ne serait-ce que quelques heures un âne, c'est un animal d'une très grande intelligence. Oui, contrairement justement aux idées reçues. Voilà, c'est un animal d'une très grande intelligence. Ce qui lui était reproché dans les systèmes éducatifs passés, c'est que l'âne ne fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est son entêtement plutôt qui est condamné et dénoncé, pas son manque d'intelligence. Et refuser d'obéir ou de faire systématiquement ce qu'on nous ordonne de faire, c'est peut-être pas un défaut. À mon sens, en tout cas. Mais en tout cas, c'est un animal extrêmement intelligent. C'est un animal aussi, c'est l'animal du pauvre, qui représente aussi des laissés pour compte. C'est le cheval du pauvre. Les riches achètent des chevaux, les pauvres ont des ânes. L'âne représente, enfin pour moi aussi dans mon imaginaire, le laissé pour compte, le pauvre. Et tous les exclus, quoi, un peu. Ceux qui ne disent rien et qui reçoivent les coups de bâton. Léa. Nicolas Lyotard, vous posez une question qui interroge notre société actuelle, à savoir, dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce qu'un âne ne parlerait pas comme un homme? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire cette conclusion? Eh bien, c'était assez évident de parce qu'il y a une expression toute faite, parler comme un âne, et puis on avait, nous, de notre côté, un âne qui parlait comme un homme. Vous savez, c'est un peu le même principe que de dire que la vérité sort de la bouche des enfants, ou alors que Socrate, qui est celui qui dit partout qu'il ne sait rien, qu'il est le plus ignorant, et bien c'est finalement de ce plus ignorant que la parole la plus sage va naître. Voilà. Et que finalement, écoutons ce qu'un âne a à nous dire, et il y a peut-être des enseignements à tirer de tout cela, et que finalement, n'est pas âne qui l'on pourrait croire, n'est pas, qui est l'âne? Qui est le plus âne des deux, ou de nous tous? Voilà. L'âne n'est pas toujours celui qu'on croit, en effet. Voilà, l'âne n'est pas toujours celui qu'on croit, c'est sûr. Mm-hmm. Oui. C'est un spectacle qui dit aussi, au-delà de la partie scénique, un spectacle basé sur le pouvoir de transformation du regard de l'autre, c'est ça bien aussi? Bien sûr, sur les retours qui nous sont faits, et notamment les retours qui nous sont faits quand on est enfant. On construit sa personne aussi avec soit des encouragements, soit des brimades. Et effectivement, les encouragements sont quand même les mieux à même de faire grandir une personne, ou de faire se construire une personne, alors que les brimades, les reproches, les petites humiliations peuvent être très destructeurs. Voilà. Et on finit toujours par devenir un peu ce que les autres nous renvoient aussi. Sur scène, combien d'acteurs? Il y a 3 acteurs et un âne, donc 4 acteurs. Juste indiquer aussi pour ceux qui nous écoutent que cette pièce, cette création, c'est dans le prolongement d'un travail de recherche sur une forme de théâtre que vous avez, que vous continuez de travailler, une forme de théâtre ouverte aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un théâtre spécifique pour le jeune public? Pour moi, il n'y a pas de bon théâtre exclusif. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de forme exclusivement pour les enfants qui ne soit pas suspecte, en fait. C'est, on va dire, un spectacle accessible aux enfants, avec des thématiques qui il me semble les touchent de près, le rapport à l'animal, mais des thématiques qui sont toujours valables. Pour les plus grands, pour les adultes, avec des vrais questionnements. Un spectacle à la croisée du cinéma, du théâtre, oui, on voilà, a dit. tout à fait, parce qu'on y parle de cinéma aussi. Ouais. Et finalement, on y parle de théâtre, puisqu'on en fait du théâtre. On y parle de cirque aussi. Vous allez dire du poétique au clownesque également. Tout à fait, c'est un spectacle qui laisse la place aussi au spectateur de composer son histoire, parce que c'est un spectacle un peu comme des poupées russes, où on commence à nous raconter une histoire de quelqu'un qui raconte tout un tas d'histoires, et on va voir toutes ces histoires qui ont été annoncées. Il y a des liens à faire entre les premières scènes, les dernières, les suivantes, mais ces liens-là sont à c'est le spectateur qui se les fait. Toute une partie du spectacle laisse la place à l'imagination et à l'interprétation. Voilà, on va laisser justement à ceux et celles qui nous écoutent, on va laisser un peu de mystère cependant pour leur recommander que c'est un spectacle destiné certes au jeune public, mais comme je le disais en début d'interview, à voir en famille également. Bien sûr, bien sûr. On a tout à fait l'habitude, en ce qui concerne le cinéma, d'avoir ce genre de programme et de films qui sont tout public, mais sur lequel les adultes se ruent également. Moins au théâtre, c'est vrai, ça commence à venir. C'est-à-dire qu'on sort un peu d'une tradition du mépris du spectacle jeune public, où ça restait un sous-spectacle et du sous-théâtre. Tout à fait. Voilà. Donc on revendique. Nous sommes nombreux à le revendiquer en tant que metteur en scène, créateur, toutes les personnes qui participent au spectacle jeune public, à faire des spectacles à part entière, avec autant de moyens, autant d'attention, autant d'exigences que n'importe quel autre spectacle, bien sûr. Toute dernière question posée par Léa Sabourin. Alors, comment se passe le jeu des acteurs sur scène, puisqu'il y a trois personnes, avec un âne aussi qui fait partie des acteurs et qui se prénomme Apollo? Alors ça, c'est le personnage de l'âne s'appelle Balthazar, hein, c'est l'âne s'appelle Apollon, mais dans la vie, enfin ce sont ses propriétaires qui l'ont appelé Apollon, mais son nom de scène c'est Balthazar. Alors il y a différentes séquences, hein, et les acteurs et l'actrice jouent des rôles différents, sur des esthétiques différentes d'ailleurs. C'est un spectacle qui n'a pas vraiment... mais c'est voulu, d'unité esthétique. Il y a des esthétiques très différentes, puisqu'on va passer au tout début les premières séquences sur un théâtre d'ombre, on va dire, même de reflets, un théâtre de reflets. Ensuite, on est sur un théâtre de textes burlesques, avec des références au cinéma muet, notamment au personnage des Marx Brothers, Harpo Marx. Ensuite, on passe sur un numéro de cirque, puisque l'âne qui est présent sur scène parle, répond à des questions avec le clown, parce que cet âne s'est mis à faire du cirque, donc il discute avec son camarade. Et ensuite, on passe sur un théâtre plus onirique, axé sur la vidéo, et muet, et plus graphique. Donc il y a des esthétiques différentes et des approches différentes du jeu dans le spectacle, au cours du spectacle. Un grand merci à vous, Nicolas Lyotard. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que ce spectacle sera donc à l'affiche les 8, 9 et 10 janvier prochains à l'Apostrophe, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Recommandé à partir de 7 ans, la durée du spectacle, vous l'avez dit, aux alentours d'une heure. Hein. Voilà, ça doit faire 55 minutes. Merci, grand merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Au revoir. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. De la danse et encore de la danse, oserais-je dire, par le Ballet National de Marseille qui, faut-il le rappeler, a été fondé en 1972 par Roland Petit. Spectacle qui interroge sous deux angles, le corps en révolte et le corps du ballet. Il semblerait pour ceux qui ont déjà pu découvrir ce travail qu'on peut en effet s'engager à dire qu'il s'agit d'un ballet résolument contemporain. Sur pointe, trois chorégraphes, c'est Jean-Joël Le Chapelain qui va nous parler de ce spectacle qui est une création, là encore pour l'un des volets de ce spectacle, Momentum, et qui sera présenté prochainement, donc à l'affiche, à l'apostrophe de Sergi Pontoise. Alors c'est le Ballet National de Marseille hein, qui est dirigé depuis quelques années par Emio Greco et Peter Scholten, qui sont deux chorégraphes qui travaillent ensemble depuis longtemps, qui étaient en compagnie ensemble avant d'avoir été nommés il y a quelques années au Ballet National de Marseille, qui est une grande institution, hein, l'une des premières institutions consacrées à la danse dans notre pays, pas la première, mais enfin l'une des premières en tout cas, et donc qui a été largement connue grâce au travail de Roland Petit, et qui en a assuré la direction pendant plusieurs décennies, et donc derrière lui, des gens comme Marie-Claude Pietragala ou Frédéric Flamand ont assuré la continuité de ce ballet. Alors, c'est curieux et intéressant d'avoir des personnalités comme Emio Greco et Peter Scholten, parce que d'abord, ils sont d'origine différente, l'un est italien, l'autre néerlandais. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il y avait la singularité de leurs origines qu'ils ont continué de vouloir maintenir, mais c'est surtout le travail particulier qu'ils ont mis en œuvre, c'est-à-dire un danseur pur, si je puis m'exprimer ainsi, qui est Emio Greco, et puis un metteur en scène qui est Peter Scholten, et qui met en mouvement autre chose que simplement la danse. Donc il a la démarche d'un metteur en scène qui lui permet de mettre en lumière et en exergue tout le travail chorégraphique qui peut être fait par son collègue et compagnon de plateau. Et donc au Ballet National de Marseille, ils se sont intéressés évidemment à la question du ballet moderne, du ballet contemporain, mais aussi des pointes. Voilà. Alors, on ne sait peut-être pas pourquoi on s'est mis à faire des pointes. Hein, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se met à vouloir faire cette souffrance épouvantable de faire danser les gens sur le bout des pieds. Et oui, c'est pas sans douleur. D'abord, c'est pas sans douleur. C'est de ça, d'ailleurs, dont les deux chorégraphies qui sont proposées au programme, qui sont présentées au programme, sont faites. Mais il faut rappeler que l'Académie de danse a été créée sous Louis XIV, que les hommes étaient les seuls à danser sous Louis XIV. Les femmes n'ont été autorisées à être présentes sur les plateaux de théâtre et de danse que plus tard, une vingtaine, une trentaine d'années plus tard. Et donc, c'était les hommes qui ont fait ces premières expériences. Et quel était l'objectif de cette chose des pointes? C'était d'alléger le corps d'une danseuse, d'en faire des sylphides, des espèces de personnages volants comme ça qui auraient pu donner l'impression que finalement on était dans les airs, on flottait dans les airs. La légèreté. La légèreté, et que donc on pouvait tout faire. Et donc il y a eu une invention d'une machine qui était destinée, avec des espèces de poulies, de cordes, je ne sais plus quoi, d'alléger les corps jusqu'à ce que finalement on invente cette idée de pouvoir danser sur le bout des pieds. Et donc de constituer par la suite une chaussure spécifique, spéciale, qui existe aujourd'hui. Donc c'est l'histoire de la danse, et c'est à quoi se sont intéressés Peter Shulton et Emile Gréco, qui eux font un spectacle qui s'appelle Momentum, hein, donc c'est le titre du spectacle, et donc là c'est l'idée de partir dans cette chorégraphie sur de mettre en avant non pas la pensée qui dirige le corps, mais le corps en fait qui dirige la pensée. C'est une inversion de paradigme, et donc ça fait quand on est confronté à une caractéristique physique, à un mouvement, à la volonté de montrer quelque chose ou de faire, ne fût-ce que cela, eh bien, c'est le corps induit une pensée et d'autres comportements. Et donc ça, c'est on pourrait dire que Momentum et cette réflexion collective, et ils ont invité tous les deux un chorégraphe belge qui s'appelle Jérôme Verbruggen, qui lui a travaillé plus spécifiquement sur la question de l'inutilité de ce qu'est cette danse sur la pointe, qui entraîne plus de souffrance qu'autre chose. Et donc c'est une réflexion active avec le corps de ballet sur les différents moments par lesquels passe un corps de danseur, le corps physique du danseur, mais le corps de ballet aussi, c'est-à-dire le collectif face à ces positions, voilà, dont il précise bien dans le titre Pointless que c'est une chose tout à fait inutile, qui ne sert à rien et qui pourtant se pratique. Donc il nous reste maintenant à voir ce que ça donne sur le plateau. D'où l'esprit de révolte en effet dans ce corps de ballet. Création donc à voir sur scène les vendredis 13 janvier à 20h30, samedi 14 janvier à 20h30, là encore à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise, qu'on se le dise. Pour d'autres actualités à venir, avec un artiste qui est en résidence à l'Apostrophe, c'est François Verrès qui donne à nouveau de ses nouvelles, avec d'abord un premier rendez-vous, une exposition. Léa a travaillé sur le sujet, une exposition qui sera présentée entre le mois de janvier et mars prochain, c'est bien ça? Du 6 janvier au 10 mars prochain, et l'exposition s'appelle « Où en sommes-nous ?». Alors François Verrès, comment peut-on le qualifier, cet artiste? Parce que finalement, il est inclassable. Voilà, mais la réponse est dans la question. Il est inclassable, on ne le qualifie pas. Mais c'est cependant un artiste qui grappille un petit peu partout, au sens où il va... et il va surtout chercher le sens. Voilà. C'est un artiste qui est totalement préoccupé et intéressé par la question du sens, et qui essaye de traduire sur les plateaux de théâtre et dans ses... On va le voir ici avec l'exposition. Et dans ses démarches et dans ses réalisations, il essaye de mettre les sujets qui sont les sujets sur lesquels auxquels nous sommes confrontés comme humains, comme citoyens, comme personnes dans la vie. Et donc c'est l'ensemble de sa démarche qui est nourrie de cela. Au fil de sa carrière, il a fait de la danse, et la danse l'a conduit à cela. Mais c'est pas une démarche de chorégraphe ordinaire, quoi. C'est quelque chose de très particulier qui est sa démarche. Et donc pour le qualifier, on dirait que c'est un artiste multicarte qui cherche, voilà, hein. Et si on reprenait la proposition de, je ne sais plus si c'était Picasso, je crois que c'est « je ne cherche pas, je trouve ». Voilà, donc bah, c'est pareil. François Verrès est dans cette dimension de trouver à chaque fois dans des propositions qui sont tout à fait tout le temps singulières. Alors, une exposition qui s'appuie sur le travail justement, voilà, de recherche, de rencontre également, ouais, ce qu'il a eu depuis qu'il est sur cette résidence artistique. Oui, qui n'est pas seulement réalisé à Cergy-Pontoise, puisque donc il a depuis quelques années, c'est curieux puisque ça fait un écho avec Angelus Novus, puisque la métaphore, enfin la description du tableau de Potelet qui est et dont on nous parlait tout à l'heure, c'est un des points de départ de la réflexion de François Verrès sur cette histoire du vent qui pousse la société vers le progrès, alors qu'on est face à un champ de ruines, et comment pouvons-nous faire pour arriver à résister à ce qu'on en appelle le progrès, parce qu'il faudrait éventuellement le définir davantage, et comment peut-on faire pour être conscient de ce que l'on fait. Voilà. Donc c'est un peu la démarche qu'a François Verrès, qui donc depuis plusieurs années maintenant fait une relation profonde avec les territoires avec lesquels il travaille. C'est le cas à Strasbourg, ça a été le cas à Grenoble, à Rennes, à Cergy-Pontoise. Et donc il a rencontré des multitudes de gens, de tous âges, tous niveaux, toutes conditions. Voilà, il a fait des ateliers, il continue d'en faire, et il a essayé de se nourrir de l'information l'impression que pouvaient avoir les gens face au désastre devant lequel nous sommes, puisque si on regarde l'écologie, si on regarde la politique, si on regarde la situation des êtres, si on regarde les guerres, tout ça fait que finalement le spectacle n'est pas totalement réjouissant, n'est-ce pas? C'est de cela dont il veut rendre compte, mais pas sur une dimension tragique, évidemment qu'elle l'est, mais en laissant passer le message que l'homme est maître ou peut être maître de son destin et que pour nous faire, comment allons-nous faire, et pour cela, où en sommes-nous? Donc une fois qu'on fait le diagnostic, on peut commencer d'aller ailleurs. Pour faire écho à tout cela, non seulement il y a cette exposition donc à découvrir du 6 janvier au 10 mars 2017 à l'Apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise, donc avec un vernissage prévu le vendredi 6 janvier à 18h30. Oui, et pardon, mais je ne l'ai pas dit, mais qui se nourrit évidemment, dans lesquels il y aura des comptes rendus de ces interviews, il y aura des témoignages audiovisuels, toute une série de matières comme cela qui émergera de tous les contacts dont je viens de parler. Matières et matériaux qui vont aussi nourrir le spectacle qui sera se proposé au mois de janvier, là encore, qui a pour titre Le Pari, et là pour le coup c'est un pari, celui du possible, de l'invention, voire de la luciole, c'est-à-dire avec une dimension un brin lumineuse, c'est ça? Oui, François Verhaeghe, je lis son propos. Du fond de la grisaille où nous trouvons, nous faisons le pari que nous saurons inventer en acte des manières de résister ensemble. Alors il rajoute, et puis je ne vais pas tout voler, mais au populisme ambiant, à tous ces désastres face auxquels nous sommes, dans lesquels nous sommes, auxquels nous sommes confrontés, hein, qu'il s'agisse des murs, je le disais, des guerres, des frontières, des difficultés qui sont à la fois physiques et sociales, politiques, mais qui sont aussi mentales, donc et c'est l'échange entre nous pour mieux vivre ensemble, de croire à quelque chose, non pas dans le sens béat, de croire que le destin peut être meilleur en attendant seulement que ça vienne, mais bien en prenant en main notre destin, quoi. C'est plutôt dans cet esprit-là. Le Pari, spectacle à découvrir là aussi à l'Apostrophe. Ça sera au mois de janvier, je disais, le mercredi 18 janvier 20h30, jeudi 19 janvier 14h30, vendredi 20 janvier à 20h30 à l'Apostrophe, Théâtre des Arts, cette fois-ci à Cergy-Centre. Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Pour en savoir davantage sur les chantiers 2014-2018 menés tout au long de cette résidence de François Verhaeghe, il y a un blog qui est consultable. Il suffit de composer les 3W.chantier au pluriel, chantier 2014-2018 tout attaché.com, et là vous découvrirez effectivement ces différents matériaux dont on a parlé, fruit de toutes ces multiples rencontres. Travaux et beaucoup de rencontres et de témoignages, oui, d'interviews, de points de vue qui sont donnés. C'est tout à fait dynamique, c'est pour des petites séquences qui peuvent aller de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, donc c'est tout à fait édifiant, intéressant sur la perception que peuvent avoir nos concitoyens, encore une fois de tous âges, sur leur existence, sur leur quotidien. L'occasion pour vous, comme pour nous, d'en savoir davantage sur ces différentes étapes de travail de François Verhaeghe au travers de cette résidence artistique à l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, spectacle qui sera présenté d'ailleurs dans le cadre de Périphérique, Festival des Arts Mêlés pour sa 13e édition, et dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise, avec aussi également un rendez-vous à noter d'ores et déjà, une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation qui aura lieu le vendredi 20 janvier, donc à 20h30, comme je le disais tout à l'heure, à l'Apostrophe, Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, car le temps tourne. Il est temps, de refermer les pages de cette belle histoire. Avec, pour toute information et toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés, je vous renvoie vers un numéro de téléphone. Tout d'abord, c'est le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois, ou bien sur Internet, sur le site, au www.l'apostrophe. l'apostrophe, en minuscule, tout attaché, l'apostrophe, point net. Remerciements à tous nos invités qui sont ici en studio, comme ceux qui sont intervenus par la voix téléphonique et voix des ondes également. Remerciements également à Arnaud Vasseur qui, dans l'ombre, continue de nous aider fortement à préparer cette émission, c'est à faire que le succès de cette émission soit garanti, assurément. Aussi, remerciements à Damien Gissas pour la réalisation technique. Cette émission préparée et animée aujourd'hui par votre serviteur et animateur José Guérin, avec l'aide de Léa Sabourin, sera rediffusée samedi 17 décembre de 9h à 10h du matin sur le 99.2 FM et sur internet à radio-rgb.net. Puis, disponible pour ceux qui partent en vacances, eh bien sachez que vous pouvez amener dans vos bagages un podcast de cette émission que vous irez quand même chercher sur le site internet à radio-rgb.net. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est pour 2017, l'année prochaine, mercredi 11 janvier de 19 à 20h. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An. Nous nous retrouvons l'année prochaine. À bientôt! L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.